Chapitre 6e. Le dossier révélateur. Jacqueline, fléchissant sous le poids de cette nouvelle douleur, s'était laissée tomber sur un canapé, prête à s'évanouir. « Ah, madame !» s'écria Balière sur un ton de respectueux reproche. « Pourquoi m'avez-vous forcé à vous révéler ces choses ?» La jeune femme, faisant appel à toute son énergie, répliqua. « Non, laissez, je serai forte. »« Ne vous excusez pas, monsieur Balière, vous avez bien fait. » Oui, très bien fait de me prévenir. Maintenant, achevez. Je vous répète que je veux tout connaître. C'est à la fois mon droit et mon devoir. En ce cas, madame, veuillez me suivre, invita Balière en offrant son bras à Jacqueline et en la conduisant jusqu'au cabinet de travail du banquier. Tandis que la jeune femme s'asseyait devant le bureau de son père, Balière s'approcha d'une boiserie sculptée qui ornait un angle de la muraille et fit jouer un ressort secret. Un panneau se déplaça, laissant apparaître une excavation pratiquée dans la muraille. « C'est là, déclara le secrétaire, que M. Favreau dissimulait ses documents confidentiels. Il n'y a que très peu de temps qu'il m'avait révélé l'existence de cette cachette, en me faisant lui jurer, s'il venait à disparaître, de brûler tous ses papiers. J'allais le faire, madame, au moment où vous m'avez appelé près de vous. » Jacqueline eut alors le sublime courage de se plonger dans l'étude du dossier volumineux que Balière avait déposé devant elle, et qui contenait la preuve indiscutable que Favreau, par ses manœuvres aussi sournoises que criminelles, avait provoqué le krach du Continental Consortium, la banqueroute de la rente universelle, la faillite des phosphates du Delta, l'incendie des docks de New City. Le bilan effroyable se chiffrait par plusieurs milliers de familles ruinées, par de nombreux suicides et enfin par la mort, dans les flammes, de plus de 100 travailleurs. « Vous saviez tout cela, monsieur Balière ?» reprenait madame Aubry, d'une voix lourde de sanglots. « Comment, vous, un honnête homme, avez-vous pu rester le secrétaire de M. Favreau ?» À ces mots, une lueur étrange passa dans le regard de Balière, qui, courbant le front, murmura d'une voix étranglée. « Je n'ai pas toujours été un honnête homme. » Prise de vertige, en face de l'abîme d'infamie et de honte qu'elle venait d'apercevoir tout à coup, Jacqueline articula simplement. « Laissez-moi, M. Balière. »« Madame, » exprima le secrétaire. « Je n'ai pas besoin de vous dire que tout ceci restera enfermé à jamais entre nous. » Et l'air mélancolique d'un homme qui n'a plus rien à espérer sur terre, il se préparait à partir. Jacqueline le retint. « Monsieur, » fit-elle, avec une expression de dignité admirable, « je souhaite que la franchise un peu tardive dont vous avez fait preuve à mon égard vous assure le pardon des fautes que vous avez pu commettre. » Balière s'inclina. Deux larmes discrètes, lointaines, apparaissaient au fond de ses yeux. Et il sortit, plus voûté que de coutume. Alors, la fille du banquier put donner libre cours à son désespoir. « Ainsi, se disait-elle, mon père que j'aimais et que je redoutais, tant il m'apparaissait supérieur aux autres, n'était qu'un misérable qui a causé la ruine de tant de braves gens, la mort de tant d'innocents. Cette fortune qu'il nous a laissée à mon fils et à moi a été acquise dans le sang et dans les larmes. Quelle chose abominable! Il me semble que je vais entendre sans cesse monter à mes oreilles les malédictions et les plaintes des victimes. Oui, déjà, il me crie. Tout cet or, il n'est pas à toi, ni à ton fils, il est à nous, ton père nous l'a volé. » Alors un cri déchirant lui échappa. « Mon fils, mon Jean bien-aimé !» C'est qu'une pensée encore plus atroce, une crainte encore plus épouvantable, venait de lui broyer le cœur. « Judex, Judex !» songeait-elle. Quel est cet homme assez puissant pour avoir frappé à l'heure fixée par lui, au milieu d'une fête, mon père, que rien n'a pu arracher à son destin? Qui sait, si poursuivant sa vengeance, il ne va pas me frapper à mon tour, ainsi que mon enfant? Peu importe, je suis prêt à tout, mais mon petit, pitié pour lui, pitié! » Une phrase terrible vibra soudain à l'oreille de l'infortuné. « Est-ce que ton père, lui, a eu pitié des innocents? » « Mon Dieu ! » sanglota-t-elle éperdue. Comment détourner la menace que je devine suspendue sur nos têtes? Comment désarmer Judex? Tout à coup, le visage de Jacqueline cessa de refléter le désespoir et la terreur. Une sorte d'ardeur mystique illumina son regard. Une expression de volonté sublime et surhumaine se répandit sur ses traits, transformant miraculeusement la créature frêle et désemparée en une femme noblement vibrante de tous les courages et de toutes les énergies. Puis, s'emparant des dossiers révélateurs, elle les serra contre sa poitrine et les emporta dans sa chambre en murmurant sur un ton de résolution farouche. « Je sais maintenant ce qui me reste à faire. »